Chapitre 9. De l'avis de tous, maître Raymond Evaine se surpassa le lendemain dans sa plaidoirie. Il s'agissait d'une affaire de captation d'héritage qui occupait depuis des mois l'opinion. Raymond, avocat de la partie civile, démonta pièce par pièce le système de défense de son adversaire, l'un des plus célèbres parmi les membres de l'ordre. Il tint ses confrères, les juges, l'auditoire, sous l'empire de sa parole vibrante et forte, tant qu'il le voulut, et les subjugua par une péroraison dont le style très pur empruntait une beauté plus vivante au timbre chaud, sonore et si profond de cette voix. Les stagiaires se pressaient pour l'entendre. Ariane était assise parmi eux. Son cœur se dilatait de fierté joyeuse. Cet homme admiré, estimé de tous, était son fiancé. Il l'aimait avec toute la forte passion d'un cœur non profané. Ce matin, il le lui avait redit à nouveau devant sa mère, en lui donnant son premier baiser d'amour. Elle croyait sentir encore la chaleur de ses lèvres frémissantes, qui s'étaient toujours closes avec tant de fermeté, devant les mots que Raymond ne pouvait dire à Ariane incroyante. Mais maintenant, elle parlerait. Elles avaient parlé déjà, et ce qu'elles disaient jetait Ariane en plein bonheur. Insouciante de l'attention dont elle était l'objet, elle ne voyait que lui, debout à la barre, dominant toute la salle par la puissance de sa parole et l'énergique volonté de son regard. Elle n'avait pas remarqué la présence, au premier rang de l'auditoire, de Madame Berthe Evaine et de Paul. Un peu plus tard seulement, elle les vit. Dans le jour terne de cet après-midi pluvieux, la physionomie de la jeune femme paraissait fatiguée, ses traits un peu affaissés. Ariane, en regardant sa belle-sœur, ressentit cette impression de pitié un peu méprisante qu'elle lui inspirait toujours. Elle pensa « Il l'a aimée et elle l'a repoussée. Quel regret doit-elle éprouver maintenant ? Je la plains, c'est une pauvre âme faible. » Mais elle n'aurait pas su aimer Raymond comme il doit l'être. Elle ne l'aurait pas compris. Sa pensée se reporta sur Ferdinand. Il se trouvait depuis un mois à l'essaim pour tenter d'enrayer la maladie qui le minait. Son état, d'après les courbillers qu'il écrivait, restait stationnaire. Mais les médecins n'avaient pas dissimulé au président qu'un changement de vie complet s'imposerait pour lui s'il guérissait. Or, Ariane était certaine d'avance que son frère n'accepterait jamais une existence paisible et ne s'astreindrait à aucun ménagement pour sa santé. En considérant Paul, dont le regard ne quittait guère le banc de la défense, Ariane se prit à songer. Elle connaît sans doute l'état de Ferdinand et escompte peut-être son veuvage. Alors, elle essaiera de reprendre Raymond. À cette pensée, un sourire de doux triomphe vint aux lèvres de la jeune fille. Aucune femme au monde ne lui inspirait de crainte, pas même Paul, la fiancée autrefois chérie. Elle était sûre de la fidélité de celui qui, n'ignorant pas qu'elle l'aimait et s'y épris lui-même, avait piétiné cet amour pour obéir à sa conscience. Elle pensait « Il m'a préféré son Dieu ». Et elle trouvait cela très noble, très juste, très rassurant aussi. L'âme qui se domine devant les passions humaines est de celles sur lesquelles on peut s'appuyer en confiance et qui ne trompe pas. L'audience finissait. Le président, d'une voix qui traînait en longue finale, prononçait la condamnation de l'accusé et de sa complice. Ariane se tint à l'écart, tandis que tous les membres de l'ordre présents complimentaient Evaine. Elle se rapprocha lorsqu'elle le vit moins entouré. Leurs yeux se rencontrèrent longuement. Ceux d'Ariane disaient « Comme vous avez bien parlé, comme je suis fière de vous !» Ceux de Raymond répondaient « Combien vous êtes charmante et que je vous aime !» Avec d'autres confrères, ils gagnèrent en causant la salle des pas perdus. Madame Berthe et Paul, fendant les groupes qui entouraient Evaine, apparurent près de lui. Tandis que Paul félicitait son cousin, elle glissait un coup d'œil vers la jeune stagiaire, dont la beauté ne perdait rien dans la sévère tenue qu'elle réussissait à rendre gracieuse, et elle eut un frisson d'inquiétude en voyant tant de vive lumière dans les yeux qui souriaient en regardant Raymond. Madame Berthe se pencha à l'oreille de sa fille. « J'aperçois le président Daubré qui vient de ce côté. Partons, Paul. » Au moment du procès en séparation, elle avait eu, avec le père de Ferdinand, une assez vive altercation et, depuis lors, ils ne s'étaient pas revus. Aussi s'éloigna-t-elle vivement, suivie de Paul, qui avait serré la main de Raymond en disant « À bientôt, n'est-ce pas? Il faudra que tu viennes dîner avec nous un de ces jours. » Le président s'approcha de sa fille. Il tenait une dépêche à la main et une émotion inaccoutumée tirait les traits de son maigre visage qui semblait plus jaune que jamais. « Un télégramme de Lézin, Ariane. L'état de Ferdinand s'est aggravé subitement et l'on craint une issue fatale à brève échéance. » Le sourire disparut du regard d'Ariane. Elle prit la dépêche, la parcourut et dit tristement « Pauvre Ferdinand, faudra-t-il donc qu'il meure si loin ? Au moins que nous soyons près de lui. Nous partons, papa. Oui, rentrons vite, nous verrons les heures des trains. » Ariane se tourna vers Raymond. « Ne pensez-vous pas qu'il faudrait prévenir Paul ?»« Certainement. » Le président protesta. « Quelle idée ! Tout est rompu entre eux. »« Non, il est toujours son mari. Elle doit être prévenue. »« Chargez-vous-en, alors, Évène. Moi, je n'ai pas le temps, et d'ailleurs, je ne m'en soucie guère. »« Soit, j'irai. Peut-être n'est-elle pas encore partie. Je vais voir. » Ariane dit « À bientôt !» et la caresse tendre de ses yeux compléta l'adieu. Raymond chercha vainement sa tante et Paul à travers la salle des pas perdus. Il résolut de se rendre chez elle. Peut-être était-elle rentrée directement. Sinon, il reviendrait plus tard. Il fallait que Paul fût prévenu avant le départ du train du soir. Tandis que, dans sa voiture, il gagnait la demeure de ses parentes, Raymond songeait à la triste destinée de cet homme, livré dès l'enfance à lui-même, esclave de ses vices, devenu une épave morale en qui tous les bons sentiments semblaient annihilés. Par une mystérieuse disposition de la Providence, Ariane avait été préservée d'un sort semblable. Elle gardait un cœur sans ombre et une âme droite, délicate, que le mal révolté, qui se dévouerait à toutes les grandes causes, et garderait intact l'honneur du foyer. Madame Berthe et Paul étaient rentrées. La femme de chambre introduisit Raymond dans le petit salon, où, presque aussitôt, Paul apparut. « Toi, mon ami, qu'y a-t-il ? » Son accent exprimait la surprise, non l'inquiétude, et sur sa physionomie, une joie contenue se reflétait. Le président Daubré vient de recevoir une dépêche de Lézin. Son fils est très mal. Il part avec sa fille par le train du soir et m'a chargé de te prévenir. » Les traits de Paul frémirent un peu. Ses paupières s'abaissèrent légèrement, tandis qu'elle murmurait « Ah, je ne le savais pas si malade !» Il paraît qu'on ne conserve aucun espoir de le sauver. Il faut partir ce soir si tu veux le revoir vivant. » Elle sursauta en regardant son cousin avec stupéfaction. « Moi, partir, le revoir ? Mais il ne m'est plus rien. Il n'a jamais cessé d'être ton mari et il va mourir. Tu as un devoir à remplir près de lui. » Elle dit avec véhémence « Jamais je ne le reverrai. Tu n'as donc pas compris combien je l'exècre. Il m'a fait manquer ma vie. Grâce à lui, je suis devenue une désemparée. Tu sais d'ailleurs ce qu'il m'a fait souffrir. Je te l'ai dit, ou plutôt, non, tu ne sais pas tout. » Ses traits se tendaient, ses yeux prenaient un éclat inaccoutumé et leur expression de souffrance indignée communiquait une beauté presque tragique à cette physionomie. Raymond dit fermement « Je n'ignore pas ce que tu as enduré par lui, mais je sais aussi que tu es chrétienne et que tu es sa femme. Cet homme va mourir, tu dois être près de lui pour essayer d'enlever cette âme au sort qui l'attend. Jamais ! Tu le dois, Paul !» Elle répéta « Jamais !» Son visage devenait un peu rigide et elle détourna son regard de celui de Raymond. « Soit, ceci est affaire avec ta conscience. Tu as encore 2 ou 3 heures pour réfléchir. J'espère que tu reviendras sur cette décision car tu pourrais te la reprocher durement plus tard. » La voix de Raymond était nette et sévère, l'expression de la physionomie accentuait la réprobation contenue dans les paroles. Il fit un pas vers la porte pour se retirer. Mais Paul posa la main sur son bras. « Ne t'en va pas ainsi. Raymond, je voudrais faire ce que tu désires, mais tu me demandes trop. Le revoir, quand je l'avais rayé de ma vie. Un lien vous unit toujours. Ta place est là-bas. Sois forte, Paul. » Il lui prit la main et ajouta d'un ton adouci, compatissant, « Je prierai pour toi, mais pars, c'est ton devoir. » La main de Paul trembla dans la sienne. Il vit frissonner les épaules de la jeune femme sous le velours bleu turquoise de la robe d'intérieur. Des yeux qui semblaient brûlés de fièvre s'attachèrent sur lui. « tu le veux, Raymond !» Il eut un mouvement de protestation et sa main laissa retomber celle de Paul. « Qu'est-ce que ma volonté vient faire dans une question qui ne regarde que ta conscience ? Je te dis, tu dois aller près de ton mari qui va mourir. Mais je n'ai aucun pouvoir pour t'imposer cette démarche. » Elle balbutia « Si, si !» Elle penchait la tête comme elle le faisait autrefois quand Raymond lui adressait un reproche amical. Ses lèvres avaient le même pli chagrin et ses paupières très blanches s'abaissèrent ainsi, doucement, sur les yeux qui disaient « Pardonne-moi !» Ce fut une vision du passé dans le cadre qui avait vu si souvent Raymond assis près de sa fiancée tendrement souriante. Une émotion mélancolique s'insinua dans le cœur d'Évène et fit évanouir sur la physionomie la froideur qui venait d'y apparaître. Il enveloppa d'un long regard attendri celle qui lui rappelait des heures douces, un amour sincère et protecteur. Il ne se souvenait plus de la souffrance infligée par elle, de la meurtrissure faite à son amour-propre. Ou plutôt, il y songeait avec une sorte d'indulgence, involontairement un peu dédaigneuse, pour cette faiblesse dont il avait pu mesurer alors toute l'étendue. Paul n'était plus capable d'éveiller en lui d'autres émotions que celles du souvenir. Depuis longtemps, le regard avait disparu avec l'amour. « Va le rejoindre, Paul, » dit-il avec douceur. « Tu comprendras combien j'avais raison de te donner ce conseil en retrouvant ta conscience en paix après les instants pénibles que tu auras à passer. » Il y eut entre eux un long silence. Des roses dans un vase s'effeuillèrent et leurs pétales tombèrent sur le papier glacé d'une revue avec un bruit léger. Le petit lustre ancien répandait sa lumière tamisée sur les deux cousins, debout en face l'un de l'autre, lui, très calme, la considérant avec compassion, elle, hésitante, anxieuse, avec des tressaillements qui faisaient frissonner le velours de sa robe. Elle dit enfin, d'une voix étouffée, « Eh bien, j'irai, puisque tu dis que c'est mon devoir, car tu es la lumière qui me guide dans ce bouleversement moral, dans les incertitudes où je me débats. En qui aurais-je confiance, si ce n'est en toi qui m'as pardonné, en toi dont la vie est si noble, dont l'âme contient toutes les énergies et tant de bonté. Tu éclaires ma route, tu me soutiens par tes exemples et tes conseils. Je suivrai ceci, Raymond, je partirai quoi qu'il m'en coûte. » C'est bien, Paul, n'oublie pas près de lui que cet homme, si avili qu'il soit, a une âme à sauver. Maintenant, je te laisse, tu n'as que le temps de te préparer. » Il prit la main qu'elle lui tendait. Mais elle demanda « Embrasse-moi, veux-tu, pour me donner du courage ?» Les lèvres de Raymond effleurèrent à peine le front qui se penchait vers lui. Il dit avec la même douceur « Bonsoir, Paul, n'oublie pas de prier, c'est près de Dieu que tu puiseras la lumière et la force dont tu as besoin. » Il sortit. Paul resta seul dans le petit salon. Le velours bleu miroitait autour d'elle sous la lumière douce. Des feux s'échappaient de ses doigts encerclés de bagues qui tremblaient en se joignant dans un geste d'angoisse. Elle murmura « Mon ami, mon ami !» Deux larmes glissèrent le long des joues légèrement fardées. Paul jeta un long regard autour d'elle, sur ses meubles, ses objets, témoins d'un amour disparu et qui avait entendu, un jour, Paul Daubré répondre à l'interrogation de son fiancé « Non, je ne t'aime pas comme tu le voudrais. » Elle courba la tête en songeant avec désespoir Ah, folle, folle !